The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. 4. À destination de. To plan. Prévoir. Boarding gate. La porte d'embarquement. Piece of identification. La pièce d'identité. Visa. Le visa. Citizen. Le ressortissant. ID card. La carte d'identité. To be enough. Suffire. Wallet. Le portefeuille. Now, a bit faster. 4. À destination de. ID card. La carte d'identité. Wallet. Le portefeuille. To be enough. Suffire. Piece of identification. La pièce d'identité. To plan. Prévoir. Wallet. Le portefeuille. Piece of identification. La pièce d'identité. To plan. Prévoir. 4. À destination de. Citizen. Le ressortissant. Visa. Le visa. Piece of identification. La pièce d'identité. Boarding gate. La porte d'embarquement. 4. À destination de. Boarding gate. La porte d'embarquement. To be enough. Suffire. To plan. Prévoir. Now, use the words in context. La porte d'embarquement. Hurry up, I have to be at the boarding gate 1 hour before departure. Vite, je dois me présenter à la porte d'embarquement 1 heure avant le départ. La pièce d'identité. I need to show my identification to pick up a parcel at the post office. Il faut que je présente ma pièce d'identité pour récupérer mon colis à la poste. Prévoir. I thought ahead. If it starts raining, I have an umbrella in my bag. J'ai prévu le coup. S'il se met à pleuvoir, j'ai un parapluie dans mon sac. Suffire. Stop it, kids. Close your mouths or I drop one of you on the road. Ça suffit, les enfants. Taisez-vous ou j'en dépose un sur la route. Le portefeuille. I lost my wallet. I don't know what to do. J'ai perdu mon portefeuille. Je ne sais pas quoi faire. La porte d'embarquement. Hurry up, I have to be at the boarding gate 1 hour before departure. Vite, je dois me présenter à la porte d'embarquement 1 heure avant le départ. La pièce d'identité. I need to show my identification to pick up a parcel at the post office. Il faut que je présente ma pièce d'identité pour récupérer mon colis à la poste. Le portefeuille. I lost my wallet. I don't know what to do. J'ai perdu mon portefeuille. Je ne sais pas quoi faire.